Libre-Échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de notre magazine de la santé Libre-Échange. Libre-Échange qui vous apporte le soleil, le printemps, qui vous apporte la bonne nouvelle, si je puis dire, qui vous apporte l'information sur la santé, qui est largement diffusée aujourd'hui sur pas mal d'autres radios. Je reçois régulièrement des messages d'encouragement, des messages de soutien et aussi des interpellations à l'esprit des sujets pour de nouvelles émissions. Et aujourd'hui, eh ben justement, ça a été l'occasion, un sujet qu'on a abordé ou pas abordé, mais qui est d'actualité, c'est la santé trans. Alors pour en parler, j'ai à côté de moi Jean-Luc de l'association Aide. Alors je rappelle le site dès le départ, Aide, c'est www.aide.org sur lequel on retrouve énormément d'informations. Tout à fait. Jean-Luc, c'est pas la première fois que tu es à l'émission. On a l'occasion, c'est avec grand plaisir de tenir la santé, le crachoir, ouais, comme tu dis, voilà. Et de nous apporter des informations parce que tu es une mine d'informations, une source d'informations. Tu connais énormément de choses sur la législation, alors aujourd'hui. Alors j'aborderai, moi, si tu veux bien, Sylvain, peut-être plus la santé LGBT au sens plus global, plus large. Et puis Oriane de l'Association nationale des personnes transgenres pourra, elle, faire le focus un peu plus spécifique. Alors, donne-nous l'acronyme pour nos auditrices, nos auditeurs, qui, quand tu leur dis LGBT, ça leur dit peut-être pas grand-chose. Lesbien, gay, bi-trans, mais on peut aussi rajouter d'autres cycles derrière, intersexe par exemple, ouais, parce qu'il n'y a pas une sexualité comme il n'y a pas un genre. Tout ça est très multiple, est beaucoup plus divers et moins binaire que la vision très normative et hétéronormative. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, justement, nous devons avoir Oriane qui est en ligne. Bonjour Oriane. Oui, bonjour. Alors, Oriane, je vais te laisser te présenter, c'est plus simple, plus facile, pour moi. Je suis Oriane, là, je suis responsable locale de l'Association nationale transgenre, donc ANT. Donc, on a un petit site internet, www.ant-france.eu. Donc, c'est une asso qui a une quinzaine d'années, qui est d'une part focalisée sur l'autosupport, donc l'entraide, oui, et donc l'accueil-écoute des personnes transgenres. C'est le côté N. Et d'un autre côté, on a aussi je vais chercher mes mots. Tu vas bien. On a une vocation militante, donc de faire avancer le respect des droits des personnes transgenres, car en France, c'est pas encore le cas par rapport à la législation européenne, ne serait-ce que ça, puis les principes d'autodétermination de Yogyakarta. Alors justement, situons-nous d'un point de vue européen. Comment ça se passe aujourd'hui ? Quels sont les droits ? Comment ça se passe d'un point de vue général ici en France ? Alors, d'un point de vue européen, normalement, c'est basé sur l'autodétermination. Donc, une personne transgenre détermine elle-même qu'elle est transgenre sans avoir à justifier quoi que ce soit auprès d'une quelconque autorité. Et à partir de là, donc au niveau européen, la personne transgenre doit pouvoir avoir le droit de faire sa transition et surtout d'être respectée dans sa civilité, son genre et son prénom. D'accord. Aujourd'hui en France, la loi a évolué en 2016 par rapport au respect du prénom. Et encore, on n'est toujours pas sûr de l'autodétermination puisque maintenant, on peut faire changer son prénom en mairie, mais il faut le justifier. Alors que normalement, on ne devrait même pas avoir à le justifier. Et c'est quand même une évolution parce que avant, on devait passer par le tribunal de grande instance et donc être jugé par le juge des affaires familiales pour savoir si c'était légitime ou pas et si la société était prête ou pas. Oui, parce qu'en fait, excuse-moi, je te coupe, Oriane, dans ce cadre qui existait auparavant, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on n'était pas, comment dirais-je, on n'avait aucune liberté. C'était très subjectif, selon le juge, selon le médecin aussi, voilà, comme dit Jean-Luc aussi, selon le bon vouloir, selon l'image qu'on allait apporter et l'intérêt par rapport aux autres et non par rapport à soi-même. Tout à fait. C'était bien ça, voilà. Tout à fait. Et par rapport à la mention de sexe à l'état civil, donc c'était vraiment au bon vouloir du juge. Et les juges étaient même plutôt transphobes, puisqu'ils allaient jusqu'à demander des choses très intimes pour savoir s'ils allaient accorder le changement de mention de sexe à l'état civil ou pas aux personnes transgenres. Typiquement, ils demandaient des preuves d'opération irréversible et donc de stérilisation. Ah oui. Eh oui. Ils demandaient des expertises médicales stérilisation, par des médecins en plus que les médecins qui auraient fait l'opération. C'est allé à des choses extrêmes, genre des juges qui demandaient la profondeur d'un néo-vagin pour savoir si une femme transgenre pouvait avoir des rapports hétérosexuels normaux. C'était des choses comme ça. Donc, la justice européenne a fini par condamner la France en 2016. D'ailleurs, pour ça qu'il y a eu la loi justice du 21e siècle qui a été votée à la va-vite pour minimiser les condamnations de la France vis-à-vis de l'Europe. Parce que, en fait, on a des militantes qui auraient pu avoir leur changement d'état civil en France en se pliant aux argumentaires, à ce que les juges leur demandaient, mais qui, par militantisme, ont voulu faire appliquer les principes de l'autodétermination. Et donc, aujourd'hui, les juges n'ont plus le droit de refuser un changement de mention de sexe à l'état civil sur la base d'une absence de preuves médicales. D'accord. C'est-à-dire, donc maintenant, je veux dire, on respecte une certaine intimité. Mais est-ce qu'on est obligé de justifier quand même malgré tout en disant, parce que non ? Donc aujourd'hui, oui, c'est encore un passage devant le juge. Oui. Et donc, ça coûte cher. Combien cher, cher pour moi, c'est un prix, pour une douline, une notion. C'est payer un avocat pour monter le dossier. Ouais. Les avocats, ça va entre 1500 et jusqu'à on ne sait pas combien d'euros. 1500 et plus, c'est largement plus même, je pense, voilà. Parce que aussi, quelque part, ils en profitent un peu. Quoi. Il nous incombe vraiment d'informer la population transgenre que la loi a aussi évolué et que l'on n'est plus obligé de passer par un avocat. On peut aussi déposer notre requête nous-mêmes. Et du coup, même si c'est compliqué, parce qu'il faut parler le langage juridique, et oui. qui n'est pas accessible à tout le monde pour faire ça. Et c'est aussi pour cela que des associations ont mis en place des modèles de requêtes, des exemples dans lesquels on peut s'inspirer avec le jargon juridique. Alors justement, au niveau de l'association, je rappelle le site internet www.ant.eu, est-ce que votre association... Pardon ? ant-france.eu. Pardon, eh oui, il y avait un bout qui était resté dans le crayon, excuse-moi. Donc, ant-france.eu. Au sein de l'association, est-ce qu'il y a des conseils juridiques, des juridiques qui peuvent, justement, personne qui va s'inscrire, qui va venir sur le site, être pris en charge, je veux dire, être accompagné dans ces démarches ? Alors, donc, au niveau de l'association, on a une juriste qui a pu nous aider à faire cette requête et à être à jour au niveau de la législation. Le but d'une association, c'est aussi de s'entraider, donc forcément. Bien sûr. On va s'entraider dans une dans une logique de bien-être, en fait. Mmh. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des pays, parce que moi je vois par exemple... Excuse-moi. Par rapport à l'évolution de... Je vais vite, hein, moi. C'est vrai, excuse-moi, je t'ai abrégé. Par rapport à l'évolution de la loi, du coup, c'est pour ça que donc c'était à cause du non-respect des principes de l'autodétermination qui sont ancrés dans la loi au niveau européen, la France a été condamnée et donc ils ont décidé d'enlever au juge le droit de se prononcer et de demander une expertise médicale. Et cependant, ça c'est toujours pas satisfaisant puisque ça ne correspond toujours pas à l'autodétermination. L'autodétermination, il devrait y avoir personne pour juger, en fait. Mmh. Et là, oui. C'est devant un juge. Il y a un juge, ça, quand il dit juge, comme il dit juge, jugement derrière, hein, c'est le raccourci de jugement, hein, en finalité. Voilà. Et la question qui me donne à l'esprit, justement, il y a des pays, moi je pense à des pays, par exemple, en Asie, la Thaïlande, toi tu connais bien, je veux dire, un petit peu l'organisation mondiale, toi Jean-Luc. Est-ce qu'il y a des pays comme la Thaïlande ou d'autres pays où on donne une certaine facilité? Parce que là-bas, je veux dire, c'est quelque chose qui se pratique assez couramment. Je fais un tout petit bout d'éléments de réponse, mais je vais laisser Oriane compléter quand même plus précisément. Parce que sur le cas de la Thaïlande, effectivement... C'est culturellement plus ancré. Après, est-ce que c'est socialement mieux organisé? Je ne sais pas, Oriane, tu peux répondre. Donc culturellement, effectivement, il y a une place qui est encore là. Du fait que ce soit l'un des rares pays d'Asie qui n'ait pas été colonisé. D'accord. Et donc, où la culture locale était restée. A préexisté, oui. Donc, ils ont aussi ces facilités du point de vue accès à la médecine. Cependant, en Thaïlande, il n'y a pas de changement d'état civil possible. Pas de changement d'état civil. Sur les papiers, la mention de sexe reste telle qu'elle est, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et donc, ça doit, et très certainement aussi, pas être évident, poser problème d'identité, poser problème dans la vie, parce que social à tout point de vue. Après, ça dépend aussi des papiers qu'ils utilisent pour interagir dans la société. Parce que, par exemple, avant 1984, en France, on n'avait pas de mention de sexe sur la carte d'identité. Donc, la mention de sexe à l'état civil, elle faisait partie de la vie privée de la personne. Oui, c'est vrai, on a oublié ça. Elle ne posait pas de problème. Alors, vas-y. Un autre modèle international plus près de chez nous, Rian, où tu peux nous parler, on a eu l'occasion de discuter ensemble, c'est le modèle hollandais. Oui, tout à fait, aux Pays-Bas. Donc, aux Pays-Bas, pour le coup, ils respectent la loi européenne. Et ils vont plus loin dans le sens où ils parlent même d'orientation sexuelle, mais ça n'a rien à voir avec l'identité de genre. Donc, ils parlent aussi d'identité de genre à l'école. Et ça permet aux personnes transgenres jeunes de se reconnaître et de savoir qu'elles sont transgenres. Peut-être qu'il y a un mot pour dire, enfin, qui existe pour ça. Les enfants transgenres aux Pays-Bas peuvent avoir accès à des bloqueurs hormonaux jusqu'à l'âge adulte. Jusqu'à la majorité. C'est vraiment un énorme plus parce que ce qui est le plus dur dans une transition... D'effacer les effets de la... Voilà, quand on fait une transition... à l'adolescence. Sachant que le but, c'est vraiment d'être bien dans sa peau. Donc, il y a des personnes qui vous souhaiteront faire une transition légale, d'autres pas, et des personnes qui vont faire certaines choses, mais pas d'autres, et ainsi de suite. C'est vrai que le plus dur, quand on décide de faire quelque chose, c'est d'effacer une puberté dans un sens avant de faire une puberté dans l'autre. Et donc, si on peut éviter d'avoir une puberté dans le sens qu'on ne désire pas, qui génère du mal-être, et bien, c'est super, en fait. Ouais, mais alors, intervient aussi dedans. Là, tu parles, je veux dire, pour... On est dans le cadre mineur. Ouais. Mais, dans le cadre mineur, tout à fait. Absolument. Et c'est pour ça que dans le cadre mineur, il ne propose que des bloqueurs hormonaux. Là où, à l'âge adulte, les personnes transgenres peuvent avoir accès à des hormones dans l'autre sens et à des chirurgies. Alors, mais la question qui me vient à l'esprit, c'est par rapport aux parents aussi, parce qu'il faut aussi que les parents soient d'accord. Donc là, soit ouvert d'esprit. Soit ouvert d'esprit, oui, parce que derrière, ça risque d'être assez conflictuel. Mais si c'est organisé par le schéma de la santé publique du pays, tu vois, forcément, ça se répercute aussi sur la perception qu'en ont les parents eux-mêmes. Oriane ? Bien sûr. Oui, Oriane ? Allô, Oriane ? Sur là ? Oui. Allô, Oriane, ouais. Tu es là ? Oui. Oui, je suis là. Et donc, oui, je disais que... Donc, par rapport aux parents qui sont de Sylvain, ouais. Et donc, oui, mais pour les parents, bah, il faut bien que les parents se rendent compte, d'une manière générale, que soit ils acceptent leur enfant, soit ils le conduisent à de la grosse dépression, voire au suicide. Donc, et oui. Il faut que les parents aiment leurs enfants. Qu'ils les soutiennent, en fait. Moi, je vais dire aimer, parce qu'un enfant l'aime. C'est-à-dire, c'est d'accepter. Tu peux aimer un enfant sans accepter, je veux dire, sa volonté. Quelque part, on est plus ou moins... En fait, c'est pas une volonté, c'est pas un choix non plus. Oui. C'est quelque chose d'intrinsèque à la personne. Pas une décision si simple à prendre, bien sûr. Si les personnes transgenres pouvaient choisir... C'est spontané, je veux dire, c'est inné. C'est quelque chose d'intrinsèque aux personnes. C'est ça. Ça ne vient pas de l'éducation, comme certaines personnes pourraient penser. Non, pas du tout. Bien sûr. Et ça, c'est important de le dire, de s'y aller, parce que pour le public non averti, c'est quelque chose, c'est hormonal, c'est quelque chose du fond de soi-même. Je ne sais pas si c'est hormonal. Si je peux dire, par les mots... Pour l'instant, personne n'a déterminé exactement, bien sûr. Aucune cause de transidentité. On va dire, c'est une volonté profonde personnelle. Voilà, sans mettre l'aspect scientifique en enjeu, quoi. Oui, mais sans volonté, en fait. C'est pas une volonté. Et c'est quelque chose qui s'impose à la personne elle-même, avant tout. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Notre couleur, c'est difficile à définir. On ne choisit pas. Notre orientation non plus, on ne choisit pas. Parce que ce que je voulais dire par rapport à la perception du grand public en général. Le grand public en général se dit... Ce qui est important, c'est de pouvoir mettre en avant la réalité des choses, oui. Et pas les stéréotypes du grand public. C'est ça. Non, mais c'est ça. Je suis bien entièrement d'accord avec toi. Et c'est pour cette raison, c'est le but de l'émission qui est ouverte vers une ouverture d'esprit et d'information que, par rapport au grand public qui comprenne que, justement, c'est quelque chose qui est fort au fond de soi-même. C'est pas quelque chose qu'on choisit du jour au lendemain comme ça, je veux dire. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Ouais. C'est ça. La seule chose qu'on choisit, c'est d'ancrer dans l'enfance. C'est d'assumer qui on est ou pas. C'est ça. Oui, c'est d'assumer sa personnalité. Soit de se cacher toute sa vie et de déprimer, soit de s'accepter, en fait. Oui, parce qu'en fait, c'est tout un équilibre derrière pour la personne, affectif, social, qui est en jeu. Alors, on parlait de la Hollande. Est-ce que, justement, la Hollande, c'est un pays qui a quand même une autre culture, je veux dire, une autre ouverture d'esprit. Est-ce que c'est quelque chose, je veux dire, c'est la perception, elle est beaucoup plus, je vais pas dire, comment dis-tu ? Tolérante, oui. Est-ce que ça fait plus ouvert, plus ouverture que chez nous? On est encore un peu, fermé, nous, en France. Un peu latin cato. Latin cato, oui, c'est ça. je donnerais un avis qui est vraiment subjectif, mais bien. J'ai l'impression que, c'est vraiment une impression qu'au Pays de Bas, ils ont tendance à plutôt essayer d'accompagner les personnes pour que ça se passe bien, plutôt que de les réprimander. On voit ça sur plein d'autres thèmes en général, sur plein d'autres questions de société. En Hollande, ils préfèrent légaliser, accompagner. Sont ils liés aux drogues, par exemple aux drogues, au travail du sexe. Au travail du sexe, oui, tout à fait. Ouais. Par rapport à la mobilité douce, tout ça, ils préfèrent vraiment accompagner, faire en sorte que, enfin, donner un cadre qui soit sécurisant et respectueux pour tout le monde, plutôt que, donc de manière à ce que ça ne nuise pas aux autres personnes, plutôt que d'interdire, de prohiber et d'enfermer, comme en France. Le résultat de cette politique, c'est que, donc là, on dirige sur un autre sujet, mais au Pays-Bas, ils ferment des prisons. Et ils ont et à un point où de temps en temps ils louent des prisons à la Belgique parce que justement ils ont une politique qui fait baisser la criminalité, le fait d'accepter des gens tels qu'ils sont, le fait de leur permettre de s'en sortir, de ne pas avoir recours à la violence et puis à de pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux autres, finalement. Sur la question des prisons, je me permets de faire un petit parallèle avec les prisons françaises. Effectivement, dans les prisons françaises, nous avons un tiers de personnes qui sont détenues pour des délits liés à l'usage des drogues, un tiers des détenus qui sont là parce qu'ils sont des malades, pour une bonne part d'entre eux, qui ont des maladies, difficultés, problèmes de type psychiatrique, alors que nous avons fermé un tiers des lits de psychiatrie en France. Ces personnes-là, ces patients-là, ne sont plus pris en charge d'un point de vue santé publique, mais se retrouvent très, très précarisés et très souvent incarcérés. Donc tu enlèves un tiers des détenus qui sont là pour des questions liées aux drogues, et on sort l'usage des drogues d'une réponse pénitentiaire incarcérale. On redonne des moyens à la santé psychiatrique pour prendre en charge les personnes qui ont des difficultés. Il restera un tiers de détenus pour lesquels on pourra, effectivement, on n'aura pas besoin de construire des prisons et pour lesquels on pourra les prendre en charge de manière beaucoup plus pertinente. Oui, puis derrière aussi, avec toutes les conséquences qui en découle, parce que la personne se retrouve dans... Puisque nous sommes dans une émission de santé, et toutes les répercussions s'il y a sur les difficultés liées à la santé en prison, on peut dire. Alors, nous travaillons, nous très bien à Aide, avec le centre pénitentiaire de voisin, et avec les cadres de santé qui travaillent sur la question de la santé des détenus, on comprend bien qu'une rage de dents, et je ne prendrai qu'une pathologie relativement bénigne, une rage de dents en prison, ça ne se traite pas dans les mêmes délais. T'as mal ta race pendant des semaines avant d'avoir une extraction. Il faut t'extraire de la prison pour t'emmener chez le dentiste pour faire une extraction de dents. La santé en prison, c'est très compliqué. Ça pourrait être l'occasion, Sylvain, d'une autre émission. Bien sûr, mais c'est important d'en parler. On évitera le cadre de santé, si tu veux. Avec plaisir. Du CD. Plus par rapport aux prisons, la santé pour les personnes transgenres, c'est aussi quelque chose de très très difficile, parce que selon si la personne transgenre a eu son changement d'état civil, changement de mention de sexe à l'état civil ou non, elle peut se retrouver dans des quartiers réservés au genre où elle ne se reconnaît pas. Donc ça peut être déjà une situation très dangereuse en soi, où ça peut aussi être de l'isolement. La question de l'accès au traitement hormonaux est très, très difficile en prison. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça peut faire réapparaître des grosses sensations de mal-être, et des petites choses viennent, comme avoir accès à un rasoir ou des choses comme ça, c'est juste pas possible. Est-ce que, au niveau, alors justement, il y a une volonté très générale, là je parle d'un point de vue général, mais on va venir justement par rapport à l'Association nationale pour les trans et trans-trans. L'Association nationale transgenre. Transgenre, pardon, excuse-moi. Oui. Moi aussi j'ai invité personne. Désolé de parler personne. Sur la nomenclature. Oui. Parce que c'est important. Bien sûr, tu as raison de rappeler. Mais donc, ce que je voulais dire, il y a une volonté au niveau du gouvernement de faire évoluer, d'aller un peu, enfin, contre le sens de certaines choses et dans le sens de faire évoluer les choses. Est-ce que, justement, au niveau national, il y a une volonté du gouvernement d'assouplir un petit peu, de s'orienter vers une politique plus européenne, plus à l'image de la Hollande, ou au contraire, c'est quelque chose comme, je vais dire, c'est pas un parallèle, mais pour, par exemple, le droit de mourir dans la dignité, on voit, ça patine aussi, la distance. Qu'est-ce qu'il en est ? On a l'impression que ça patine beaucoup, beaucoup, et que les seules choses qui font avancer la loi et la politique du gouvernement, c'est quand la France se fait condamner par l'Europe. Ah oui. Là où d'autres pays dans le reste du monde, comme on disait, l'Argentine, par exemple, où l'Argentine a inscrit dans la loi les principes d'autodétermination, pour le coup. Où en mairie, il suffit de venir en mairie et de dire « Maintenant, je voudrais que mon prénom soit tel et que ma mention de sexe soit la tête, soit celle-ci, pour que mon genre soit respecté. » Et c'est bon, il n'y a pas besoin de justifier. Et sur Nancy, alors, comment ça se passe ? Sur le quoi ? Sur Nancy, comment ça se passe ? Sur Nancy. Eh bien, sur Nancy, au point... Oh là, c'est un gros point d'interrogation, là, qui est lancé. je sens qu'il y a une patate chaude derrière, là. Donc, je sais que c'est pas si simple, hein. Ouais. Sur le point de vue des changements de prénom, ils ont fini par appliquer la loi, ils ont été obligés, parce qu'il y a eu un rappel du ministère aussi qui ont été mieux adaptés, alors que pendant les 4 premiers mois où la loi application immédiate a été votée, la mairie de Nancy refusait simplement d'appliquer la loi. D'accord. Alors qu'elle avait les compétences techniques pour le faire. Ensuite, quand ils ont décidé d'appliquer la loi, ils ont mis en place des choses dont la légalité reste quand même à prouver. Par exemple, le fait de demander aux employés de la mairie de noter, de faire des annotations sur l'apparence de la personne qui vient déposer son dossier. Ah oui. On ne voit pas si c'est très légal, ceci. Bah, quelque part, c'est de la discrimination. C'est de la discrimination. Donc, ça, c'est le premier petit truc. Le deuxième petit truc, c'est que ils ont demandé, dans leur procédé, ils veulent absolument avoir la signature du maire, alors que c'est l'officier d'état civil, un officier d'état civil quelconque qui peut le faire, la signature pour valider la demande de changement de prénom. Donc, ça rajoute... Une manière de mettre un frein, tu crois ? Qui fait que... oui, ça rajoute des délais. Et puis, pourquoi est-ce que le maire aurait à valider ceci, spécifiquement en tant que maire ? Et pas sur d'autres sujets. Et alors qu'il est censé être très occupé sur plein d'autres choses. Enfin, sur plein d'autres choses. Donc, bizarre. Et surtout, donc, ils ont des délais qui sont bien supérieurs par rapport à d'autres villes. On a quelqu'un qui a fait son changement de prénom dans une autre ville. Il a déposé son dossier le mardi et le vendredi. Il a reçu la lettre comme quoi c'était fait. D'accord. À Nancy, ça m'a pris plus de 2 mois. C'est plus de 2 mois, hein, tu m'avais dit. Ce sont les lourdeurs administratives, allons-nous dire, Auriane. Bien sûr. Avec mon humour sarcastique. Les mairies savent le motif pour lequel on demande le changement de prénom. Oui. et ne sont pas capables de respecter notre genre et notre civilité. Oui, parce que... J'ai suivi mon dossier dès le départ. J'ai toujours eu droit à du madame, pas de souci, au niveau de la mairie, au niveau des intervenants. Bonjour madame, etc., etc. Au téléphone aussi, quand je suis allée voir tout ça. Le dernier courrier que je le reçois à mon ancien prénom, avec la facilité monsieur. Et le courrier, il commence par « Cher monsieur ».« Cher monsieur », merci, pas là, c'est pas moi qu'on parle. « Vous êtes désormais autorisé à vous appeler Oriane oui, ». Oui, et ça termine par « Veuillez agréer, monsieur, de mes félicitations ». On a juste envie de dire « Mais c'est quoi ce foutage de gueule ?» C'est de la connerie, c'est volontaire, c'est... Voilà, donc on a saisi le défenseur des droits là-dessus, parce que c'est pas un cas isolé, c'est pour tout le monde, en fait. Donc ça démontre bien qu'il y a encore énormément de choses à faire évoluer, de progrès. Alors, Oriane, Jean-Luc... Nancy, une ville qui se réclame, comme pro-LGBT, en pointe sur les questions LGBT, qui n'est même pas capable de respecter la civilité qui va avec le genre, une personne transgenre, ça la fout mal, quoi. Oriane, ce que je te propose, on arrive à la demi-heure de l'émission, c'est l'heure de la pause musicale, c'est qu'on se fasse une courte pause musicale et qu'on revienne après ça, justement, sur cet exemple, par exemple, de Nancy, mais qui en existe, et d'un point de vue médical, effectivement. D'un point de vue nomenclature aussi. Et c'est juste après ceci. Mais on ne l'a pas encore défini. Après la pause. À tout de suite. Ça va. Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin, même si c'est faux. Les fous c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Nous sommes de retour sur le plateau de notre magazine Libre-Échange. Et là, donc, on avait en ligne Oriane, qu'on a toujours. Alors, justement, Oriane, tu voulais revenir un petit peu donc, sur, justement, la santé. Est-ce que tu peux nous en parler, justement? Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, au niveau de la santé, au niveau, je veux dire, la prévention, au niveau comment ça se passe, voilà. Plein de choses à faire. Oriane, je peux démarrer sur la question de la santé, plus global LGBT, et puis tu fais un focus spécifique ou tu veux y aller? Juste juste avant d'aborder la question de la santé, vas-y. J'aimerais bien aborder vite fait un point nomenclature. Vas-y. Parce qu'on parle de personnes transgenres, mais oui. On n'a pas encore défini ce que c'était. Mmh. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui, dans nous écoutent. Qui nous écoutent, qui ont des idées reçues là-dessus, d'une part, et d'autre part, qui ne sont pas spécialement informés, donc qui ne voient pas pourquoi est-ce qu'on parle de transgenre et pas d'autre chose. Oui, pourquoi il y aurait une spécificité. Ah, vas-y. Alors, du coup, on a d'une part le sexe biologique, donc qui va des deux extrêmes, mâle et femelle, qui ont tellement de paramètres qui font que c'est un spectre. La personne qui a toutes les caractéristiques mâles ou la personne qui a toutes les caractéristiques femelles poussées à l'extrême, ces personnes-là n'existent pas. Donc ça, c'est sur le spectre du sexe, le sexe biologique. On a aussi, dans ce spectre du sexe, on a aussi des personnes intersexes, qu'il ne faut surtout pas oublier, qui subissent encore des mutilations sur les nourrissons en France. Et ça serait bien que ça cesse. Et donc, bon, je ne vais pas trop empiéter sur le combat en parlant à la place des personnes concernées. Mais il faut franchement pas les oublier. Il ne faut pas les oublier, absolument. Ouais. C'est horrible ce qui se passe. D'où, c'est aussi pourquoi il y a beaucoup d'associations LGBT qui intègrent le I. Le maintenant. I intersexe. Et c'est très important d'intégrer le I. Autant le Q, le queer, le queer, c'est plus culturel et communautaire. Et communautaire, tout ça. Mais le I, c'est des personnes, donc les intersexes, qui subissent de très graves discriminations. Donc, pour que ce soit précis pour les auditeurs et les auditrices, Oriane, donc une personne intersexe est une personne qui est née avec. Qui n'est pas dyadique. Donc, mâle et femelle, c'est. Donc, les personnes mâles et femelles sont des personnes dyadiques. C'est-à-dire que, d'un point de vue médical, un médecin, en observant le corps, simplement, peut facilement déterminer si c'est un mâle ou si c'est une femelle. Et donc, les personnes intersexes, ça englobe toutes les personnes où le médecin ne peut pas déterminer. D'accord. C'est plus dur à déterminer, d'accord. Okay. Si c'est un mâle ou une femelle. D'accord, ok. C'est combien de personnes Oui, justement, qu'est-ce que ça représente au niveau national ou plus largement? Et c'est pas parce que c'est minoritaire que c'est pas important. Les statistiques sont absolument très, très, très dures à avoir, tout simplement parce que quand une personne née intersexe, on demande l'avis des parents en. Votre enfant est un monstre, on va vous le réparer. C'est un garçon ou une fille Voilà. Et en fait, c'est des choses qui n'apparaissent pas dans le carnet de santé des personnes. D'accord. Et les personnes intersexes se rendent compte souvent très tard qu'elles sont intersexes. D'accord. Et c'est très difficile de savoir quel est le pourcentage et quel est. Oui, voilà. Ok. On n'a pas de déjà. Donc ça, c'est pour la question du spectre du sexe. Ouais. Chaque individu peut se placer. On a aussi le spectre du genre. Donc c'est comment profondément on se définit. Et c'est quelque chose d'intrinsèque à la personne. Donc sur ce spectre, on a deux extrêmes, homme et femme. Et on a aussi des personnes qui ne sont ni des hommes ni des femmes d'un point de vue du genre. Et on utilise le terme non-binaire. Non-binaire, d'accord. Pour ces personnes-là. Et donc, sur ce spectre du genre, chaque personne peut aussi se placer. Donc, c'est comment on est profondément soi-même. Et il y a aussi le fait de l'expression de genre, donc c'est comment on exprime son identité de genre, que ce soit féminin, masculin, androgyne, les pronoms, les pronoms les pronoms, c'est le fait de s'habiller d'une certaine manière, le fait de se comporter d'une certaine manière pour affirmer son identité de genre. Et donc, dans la société, instinctivement, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde rapidement l'expression de genre d'une personne, on regarde ce qu'on arrive à distinguer de ses caractéristiques physiques, et à partir de là, on devine le genre de la personne pour lui dire bonjour monsieur ou bonjour madame. Parce que c'est en fonction du genre que c'est avec le genre qu'on va pouvoir interagir socialement avec la personne. Et ça marche pas toujours. Non, ça marche pas toujours. Oui. Il y a quelques ratés, forcément. Et c'est pour ça que la démarche la plus respectueuse d'un point de vue général avec tout le monde à avoir, c'est de dire bonjour. Et puis, si on... Sans déterminer exactement, ouais. Madame, monsieur... voilà. Et on se donne un peu de temps pour... D'écouter la personne parler. Ouais. Et en fonction de comment la personne se genre elle-même, on peut la genrer en miroir. Et si la personne ne se genre pas du tout nulle part et qu'on a besoin absolument pour lui parler de connaître son genre, c'est pas irrespectueux de lui demander. Bien sûr, oui, mais quelque part... À condition de respecter tout à fait sa réponse. Oui, mais quelque part, rien, c'est quand même difficile. En général, les personnes, ça rentre dans une certaine intimité. Il y a d'une part, mais d'autre part aussi, la difficulté, on n'ose pas, la crainte, la peur de la réaction de l'autre. De blesser l'autre. De blesser les autres. C'est pour ça que je fais un petit rappel de, c'est beaucoup, au niveau de la réaction, en fait, de demander le genre d'une personne, ça montre déjà d'une part qu'on est sensible à la question et qu'on est dans une démarche, on est prêt ou prête à respecter le genre de cette personne-là. Et donc, c'est pas quelque chose où la personne pourra avoir une réaction violente, en fait. Par contre, si on essaye de deviner le genre d'une personne et qu'on utilise le mauvais genre, ça peut entraîner une réaction violente et ça peut vraiment blesser la personne. Oui, mais ça, c'est peut-être aussi ta perception personnelle qui peut être différente d'une autre personne. Je me fais un peu l'avocat du diable. Parce que quelque part, aussi, ça peut être... justement, il y a une identité qui n'est pas reconnue. C'est se dire, je ne suis pas reconnu en termes d'identité. Et quelque part, ça peut être perturbant pour la personne. Ça peut être blessant. Non ? Ça, c'est... Enfin, ce que je rapporte, c'est quand même quelque chose qui est assez général. Assez général ? D'accord. C'est pour ça que je pose la question. C'est le but de l'émission, de rendre accessible l'information. Et donc, avec ces trois spectres que je viens d'énumérer, avec le sexe, le genre, l'expression de genre, je n'ai toujours pas défini ce que c'était qu'une personne transgenre. D'accord. Là, on se rend compte que sur ces trois spectres, tout le monde peut placer ses curseurs où il veut. En fonction de ces curseurs, on peut voir que pour beaucoup de personnes, ils sont à peu près tous alignés. Quand on a le curseur du sexe et le curseur du genre qui sont alignés, comme ce qui est important pour interagir socialement, c'est le genre et pas le sexe. On utilise le préfixe le mot genre et on utilise le préfixe cis. Donc cis, c'est un préfixe qui est utilisé dans plein de domaines, aussi bien en chimie que dans plein de choses. Moi, je connais la chimie parce que j'ai fait des études là-dedans et on utilise bien le préfixe cis ainsi que le préfixe trans, donc c'est deux préfixes. Et donc, si, ça veut dire, grosso modo, du même côté. Du même côté, et d'accord. Et donc, quand on a notre genre et notre sexe, grosso modo, du même côté, on est cisgenre. Et si c'est pas le cas, du coup ? C'est le moment où il y a beaucoup de gens qui se rendent compte, ah mince, je suis cisgenre. C'est pas un gros mot, c'est juste pour dire, vous avez votre genre et votre sexe du même côté. C'est tout. Et quand on a notre sexe et notre sexe biologique et notre genre grosso modo du côté opposé, on utilise le préfixe trans, qui veut dire grosso modo du côté opposé, et donc on parle de transgenre. Et c'est pour ça que il est très important d'utiliser le mot en entier, transgenre. En genre, et pas que trans. Non, si on n'utilise que trans, ça t'agace, ça. C'est trans quoi, trans palette. Oui, trans. Voilà. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle il y a un autre texte que je n'ai pas évoqué, puisqu'il est complètement indépendant du genre, c'est l'attirance sexuelle. Mm-hmm. Et donc, l'attirance sexuelle, c'est tous les mots qui se terminent en sexuel. Mm-hmm. Donc, homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, pansexuel, asexuel, etc. Il y en a plein. Mm-hmm. Mais. Mais le corps médical a pendant longtemps utilisé le terme transsexuel. Qu'ils appelaient transsexuel. Mm-hmm. Transsexuel, étymologiquement, ça veut dire quoi? C'est une personne attirée par les personnes trans. C'est ça. Est-ce que c'est ce qu'ils voulaient dire? Non, je pense pas. Je pense pas que c'était une détermination. Ils s'en sont servis pour catégoriser ce qu'ils ont appelé une pathologie mentale. Mm-hmm. Or, nous ne sommes pas malades mentaux ou une maladie mentale. D'ailleurs, on peut faire un petit focus là-dessus, si tu veux bien. Vas-y. Sur l'hyperpsychiatrisation de la transition, de l'accompagnement. Je sais que rien n'aime pas qu'on parle de parcours, de parcours de transition. Oui, parce que ça présuppose quelque chose de très défini et de très déterminé, un peu identique sur un schéma très normatif. Mm-hmm. Tu vas voir le psy, tu vas voir le médecin, tu vas voir le machin, tu vas voir le truc. Alors que c'est sans doute beaucoup plus complexe que ça, et que cette hyper-psychiatrisation de la question et de la prise en charge des personnes transgenres est un vrai problème qui amène des personnes à faire de graves dépressions. Le taux de dépression, le taux de suicide, puisqu'on parle de si on parle un peu de santé LGBT, au sens large, on le voit bien que chez les personnes LGBT qui ont vécu dans leur enfance, leur adolescence et même dans l'âge adulte des attitudes excessivement discriminatoires, on développe déjà de manière spécifique des pathologies. On le sait que par exemple l'usage du tabac chez les personnes LGBT, c'est deux fois plus de fumeurs, la dépression, les tentatives de suicide, l'isolement, la précarité, ces attitudes discriminatoires génèrent en elle-même discriminatoire, exclusion, de problématiques isolement, de santé. Et derrière, bien sûr, sur les conséquences psychiatriques, d'ailleurs. Alors, tu voulais ajouter quelque chose. Les personnes sont LGBT, c'est juste LGBTI, c'est juste à cause du rejet la conséquence du rejet et des attitudes discriminatoires. Le retour de l'image et de... C'est ça, l'isolement. Donc, n'importe quelle personne qui est confrontée à de telles attitudes discriminatoires et rejets se retrouve à avoir ces mêmes proportions de dépression, de suicide, etc. Alors, Auriane, je redonne le site internet sur lequel on peut retrouver pas mal d'informations très intéressantes, c'est www.ant-france.eu, donc je répète www.ant-france.eu. Je rappelle aussi le site, là Jean-Luc aide, c'est www.aides.org, sur lequel aussi on peut retrouver beaucoup d'informations dessus. Alors, comment ça se passe au niveau de l'association, on n'a pas parlé. Pour adhérer à l'association, comment ça se passe? L'association est répartie ANT sur tout le territoire, sous les régions, les départements. Comment ça se passe, Auriane? Pour adhérer, soit on peut venir à une permanence et y remplir un bulletin d'adhésion, soit on peut télécharger le bulletin d'adhésion sur Internet, l'imprimer, le remplir et le renvoyer. Enfin, c'est quelque chose de classique pour une association. Il n'y a pas besoin d'être une personne transgenre pour pouvoir adhérer. Le fait de soutenir la cause, le fait d'être proche d'une personne transgenre pour la soutenir, peut permettre d'adhérer. Et de se sentir affecté au sens de l'affect. Voilà, c'est ça. Mais donc, on peut retrouver, donc ça, c'est le site national aetetreunionfrance.eu. Mais au niveau de l'organisation, donc, il y a des au niveau national, puisque Libre-Échange est écouté sur d'autres stations, est rediffusé au niveau national sur d'autres stations. Donc, il y a une organisation qui met en place, si je peux dire, de soutien d'écoute au niveau des régions. Comment ça se passe? On essaye d'être présent et présente là où on veut. Oui. Effectivement, comme monter une association, quand on est en plus dans une situation difficile, c'est pas toujours facile. Et il y a aussi plein d'associations transgenres autres qui existent et qui convient de contacter quand on en a une dans le coin, en fait. Et donc, pour le coup, le milieu associatif transgenre, c'est plus une constellation de petites assos un peu partout. L'Association nationale transgenre, elle s'est appelée comme ça parce qu'elle a une vocation à faire du lobbyisme au niveau national pour essayer de faire avancer les choses, comme de poursuivre la France jusqu'au niveau européen, d'essayer d'informer les députés par rapport aux lois qui votent, etc. Avec aucun moyen, Oriana, je crois que vous ne bénéficiez d'absolument d'aucune subvention. Oui, c'est ça. Aucune subvention publique pour accompagner les personnes dans cette thématique-là. C'est une volonté politique affichée de ne pas financer ces associations-là. Alors justement, moi maintenant j'aimerais bien, parce qu'on arrive à la fin de notre émission, pour parler sur la spécificité justement santé, l'aspect médical. Jean-Luc, tu veux peut-être commencer s'il te plaît, puis après Oriane va compléter. J'en ai déjà fait un tout petit point tout à l'heure, que sur les questions de santé, que ce soit des santé liées à des comportements, des pratiques, des consommations, il y a effectivement, c'est très lié au vécu discriminatoire des personnes. La santé psychique également, la dépression, les taux de dépression et tentatives de suicide chez les personnes LGBT sont... Enfin, j'ai une étude qui avait fait aide il y a quelques années sur un focus personnes homosexuelles, là, 51% pensaient au suicide, 49% ont une dépression au cours de leur vie. Voilà. On voit bien qu'il y a... Et puis, surtout, il y a aussi des questions de refus et de refus de soins et de soins non adaptés. D'attitudes discriminatoires des professionnels de santé. On a pu en parler lors d'une dernière émission par rapport aux personnes séropositives. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Sylvain. Oui. Mais elle avait fait un testing auprès de dentistes, par exemple. 50% de refus de soins directs ou indirects à l'encontre des personnes séropositives. Chez les gynécologues, pour les femmes, 27% de refus de soins directs ou indirects. Je donne un exemple assez pour les gynécologues, quand tu dis pour les femmes, c'est pour toutes les personnes qui ont un vagin, en fait. Tout à fait. Merci c'est vrai, on est tellement culturé pour avoir une vision binaire des choses que effectivement, on a beau avoir une ouverture d'esprit, le langage va plus vite. Donc il y a du refus de soins, direct ou indirect. Mais je veux dire du refus de soins après dans les deux sens, c'est-à-dire du côté l'aspect des professionnels de la santé qui refusent parce que culturellement, différentes raisons, mais après, de par l'isolement, il y a un certain isolement. Et puis l'appréhension aussi. Donc les personnes ne vont plus aller vers les professionnels de la santé. C'est ça. Je prendrai un exemple assez. Je peux prendre un exemple qui nous revient souvent, nous, à Aide. Un homme ayant des rapports sexuels avec des hommes qui est multipartenaire. Et après tout, on n'est pas obligé d'avoir un seul partenaire dans sa vie. Cette sacro-sainte obligation de la fidélité et de l'amour éternel avec une seule même personne. Est particulièrement insupportable. Enfin voilà, si tu es un peu multipartenaire, si tu vas aller faire en toute conscience faire régulièrement des tests de dépistage, et puis même si tu es une bonne, enfin j'aime pas le mot, même si tu as une utilisation systématique du préservatif par exemple, ce qui est handicap pour personne de toute façon en France, le préservatif ne préserve pas de toutes les IST. Donc si en toute logique tu vas régulièrement te faire dépister dans un centre de dépistage, eh ben tu peux très bien avoir en face encore vous. On vous voit tous les trois mois, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez pas vous protéger, vous mettez pas de préservatif. Alors, donc, un jugement très moral. Et, je ne viens plus me faire dépister chez vous. Hein, donc, voilà. C'est un exemple, parmi d'autres, de discrimination liée à la santé. Oui, Roxane. Oriane, pardon. Oui, on vient de me dire qu'il est déjà 9h55, donc le temps passe super vite. Ouais. Oui. Si je peux faire le petit point santé des personnes transgenres. On a 3 minutes. Allez, c'est parti. D'être ok, 3 minutes, ça va être chaud. Eh oui, ça c'est aussi. Il y a un temps. Voilà. Ça le direct. Vas-y. Oriane, vas-y, je t'en prie, justement. On va être concis. Donc, au niveau de la prise en charge, donc, tout à l'heure, on a vu nos trois petits spectres. On sait qu'essayer de changer le genre d'une personne, ça ne marche pas. C'est un principe. Soit on obtient des personnes qui arrivent à mentir pour sortir du processus, soit on arrive à obtenir des gens qui se suicident. Donc, ça ne marche pas. Le seul truc qu'on peut faire, c'est de pouvoir agir sur le sexe biologique, donc sur la biologie, pour pouvoir modifier un petit peu les caractéristiques physiques de la personne pour qu'elle se sente mieux dans sa peau. Et donc, c'est ce qu'on appelle faire une transition physique. Ça peut passer par la prise d'hormones pour les personnes qui le désirent. Ça peut passer par plein de chirurgies possibles pour les personnes qui le désirent aussi. Le problème, c'est qu'en France, on a beaucoup une très grande une propagande qui nous dit qu'il faut absolument passer par un psychiatre, alors que non, légalement, il n'y a rien. La loi ne l'oblige pas. Et comme on n'est pas malade mentaux, on n'a pas de vraiment chose, on n'a pas d'indication à passer par un psychiatre. À part pour un accompagnement si ça se passe mal avec par rapport à d'autres personnes. Au niveau du psychiatre, à quoi le sert le psychiatre? Le psychiatre, en fait, sert aux chirurgiens qui veulent se couvrir d'un point de vue assurance pour dans le cas hypothétique où quelqu'un se retournerait contre lui. Et donc, grâce à l'attestation du psychiatre, le chirurgien pourra dire « Ah non, mais c'était vraiment une personne transgenre, je l'ai pas opéré pour n'importe quoi. » par rapport à ça, le psychiatre, vu que la transidentité, c'est quand même basé sur l'autodétermination, en fait, il y a des psychiatres qui abusent vraiment en demandant des années de suivi. Alors que, en réalité, un psychiatre qui connaît vraiment son métier, il l'applique correctement, il a besoin de voir la personne une fois, et en une fois, il sait si, oui, c'est une personne transgenre qui se peut déterminer transgenre ou pas, quoi. Donc, il y a des démarches abusives là-dedans où les psychiatres ont tendance à essayer de même décourager les personnes transgenres d'être bien dans leur peau, en fait. D'où l'importance, d'où l'importance, parce que là, Oriane, on arrive à la fin de l'émission, d'où l'importance, je suis désolé, hein, parce qu'il y a un timing, je dois respecter aussi, d'où l'importance notamment d'aller sur le site, d'aller pour information donc, dessus, www.ant-france.eu sur lequel on trouve des informations, mais aussi donc des contacts près de chez vous. N'hésitez pas. D'aller voir les associations, les personnes concernées. Absolument, c'est absolument. C'est vraiment le plus important. Absolument. Oriane, merci beaucoup. Ça sera avec grand plaisir de te recevoir dans une nouvelle émission. Bien sûr, pour aller en parler certainement, puis parler de l'évolution. Merci Jean-Luc. Je rappelle l'association Aide, www.aides.org. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magazine de la santé. D'ici là, prenez soin de votre santé, elle prendra soin de vous. Portez-vous bien. Portez-vous bien. bien. Bisous. Salut, Ariane. Salut, Ariane. C'est un bon temps.